question bonus de Very Good Bad Movies, VGBM. On se fait ce podcast bonus, juste pour ceux qui nous écoutent sur Web7 Radio. On sera bien sûr en podcast, vous pouvez nous réécouter. Là, on est en live. On se fait un blind test, 40 musiques. En face de moi, deux équipes. L'équipe d'Estelle, de Vincent et de Léa. Ouais. Face à l'équipe de Gauthier, Ismaël et Tommy. Oui. Le joker est au milieu s'il s'appelle Nicolas. Bonjour à tous. Et ce sera mon assistant. Si jamais il y en a un qui triche, il se prend une baffe de Nicolas. Il fait 2m10, autant que je dise. On a peur de toi. S'il veut pas mettre la baffe. Est-ce que... Donc je vais répéter quand même, parce qu'il faut quand même que le public sache les règles. C'est très important. Quand vous avez la réponse, vous levez la main. Vous ne dites pas la réponse, vous attendez que je prononce votre prénom. Si la réponse est bonne, vous gagnez le point. Si la réponse est mauvaise, ça va à l'équipe d'en face qui a le temps, on va dire 15-20 secondes, ok, le temps de dire une réponse, de proposer une réponse. Si jamais il se trompe, bien sûr, vous, voilà, tout se relance. Hein, donc vous levez la main, etc. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous êtes chaud? Oui. Il y a 40 points. Oui. Est-ce que vous sentez prêt? Oui. On est parti. Ismaël. Moi je dirais le point. Moi je dirais on annule le point. Je mets une baffe à tout le monde. Eh, vous avez un problème dans votre tête. Je mets une baffe à tout le monde. Moi je suis 3 fois avant l'émission. Moi je suis le seul qui a levé la main sans rien dire. Nicolas. Je dirais on annule le point. Ça compte pour du beurre, ça compte pour du beurre. Nicolas, on annule. Non, mais dis la réponse quand même, parce qu'il faut quand même que le public sache. Harry Potter. Merci. Quand, Harry Potter, bonne réponse. Au début. Harry Potter. Bon, respect à toi. Bonne réponse. Toi, tu commences par Harry Potter. J'avoue, tu nous. Ouais. Bah oui, mais attends. Habitue-nous à ce qu'on lève la main. On lève la main. Attention, très important. Ça va être. Non, mais ne lève pas la main avant, ça ne sert à rien. Ah non, t'as pas le droit. T'es déjà éliminé. Parce que là, t'es éliminé. Attends, si c'est quelque chose que tu connais pas et qui t'interroge, on est dans la merde après. Attention. Oui, Estelle. C'est les Aristochats. Bonne réponse, Estelle. Retourne sur ce que c'est pas. C'est vrai. Tout le monde est piqué, n'est-ce pas si bien rythmé. Tout semble auprès de lui très démodé. C'est comme les bodines à boutons. Il cloche dès qu'il joue de sa trompette vous. Les Aristochats de Disney. J'ai peur, je crois qu'on allait écouter jusqu'au bout. J'adore. Un point pour Estelle. Attention, concentrez-vous parce que là, ça va être très rapide. Attention, levez la main. Tommy. Ce rêve bleu d'Aladin. Oui. Ah oui. Bonne réponse de Tommy. Tu feras un bon Aladin en plus. On va se faire quand même le rêve bleu. Je vais aller à Disney en plus. J'ai fait le casting, ils m'ont pas pris. J'adore le refrain. Parce que je me suis dit, ça prenait trop de temps. Donner à Disney et tout. Ouais, c'est vrai. Au délice et au merveille. Écoutez la version québécoise aussi. C'est Jérémy, quoi. C'est pas. C'est un blind test Disney en fait. J'aime la musique. Qui transforme du coup A Whole New World à ce tout nouveau monde. Ça, ils ont fait un pack avec Tommy, quoi. Que du Disney en couleur. Regarde. Où personne ne nous dit. Comme on a cramé. C'est interdit de croire en. Il a une belle voix, Tommy. Ah bon? Bleu. Ah, c'est vrai qu'il a une belle voix. Un point partout. On continue. Si pour les 40 chansons, on prend 2 minutes pour chanter la chanson, ça va être long. On termine à minuit, t'inquiète. Attention, ça va être rapide aussi. Non, ça va, pas être... Non, ça va être compliqué. Attends, parce que. Voilà, je cache l'écran. C'est parti. Vincent. 5, 4, 3, 2, 1. Ça passe à notre équipe. Attends, on réfléchit. On a le temps maintenant. C'était parti sur un truc, mais non. Vous avez 20 secondes. Je donne pas d'indice, hein, c'est très important. Ah, c'est 15 secondes. Les gars. Putain, et vous dites geek. 10 secondes. Hit. Nicolas a envie. It. Ismaël. Non, Ismaël a levé la main en premier. C'est Ismaël. Je ne sais plus. Ça va notre équipe. Je ne sais pas. Oui. Ah, je suis désolé, le moment où je me dis bon faut bien que je tente un truc. Mais pourquoi t'as fait ça? En compte les autres ça, On l'avait. Mais je savais pas qu'on avait fait ça. Pas mais bon j'avoue la version de Tammy Non mais ouais, moi aussi tu m'es tellement habitué à l'autre que... Ouais mais je suis tellement habitué à l'autre que... Mais regarde moi je suis joueur. Non mais j'ai rien dit. C'est la fin quand ils sont dans l'hélicoptère et qu'ils sont tous sauvés. Et qu'il y a les pirates dedans qui volent et qui s'en vont vers d'autres îles. Et bien sûr jamais on aura. Je suis de Steven Spielberg. Ça y est, eh ben, aussi. Deux points à un, si je me trompe pas. Non, je me trompe. Non, c'est bon. Deux points. Donc on a que 5 secondes. C'est ça, hein. Moi, je savais pas. Ah bah non, bah parce que sinon c'est trop facile. Attention, on est parti. C'est parti. Je suis triste. Oui, Estelle. Forrest Gump. Oui. Bonne réponse. Yeah, ouais. On aurait dû faire une équipe avec une fille. Et... Ouais, c'est les gars, c'est pas terrible. Oh là là. Putain, ça fait longtemps un peu sur le jeu, regarde, tu vois. Ouais, c'est vrai. 3 points à 1. Ça s'appelle une tollée pour l'instant. Si on se prend 41, ça va. On est parti. Attention, rapidité, ça veut dire que c'est facile. Il y aura 39, hein, tranquille. Dépêchez-vous. Attention. 1, 2, 3. Oui, le parrain. Oui, bonne réponse. Oh, putain, la première note. Il n'y aura pas 39-1 puisque le premier point est annulé. Très, très, très bonne réponse. 4 points à 1. C'est pareil. Ah, mais c'est qu'ils sont sur une, ils sont sur une ascension. C'est pas autre chose. Attention, les gars, c'est parti. Toby. Sherlock Holmes. Bonne réponse. Bien. 4 points à 2. Elle est trop bien, Sophie. J'adore. Avec Robert Downey Jr. et Jude Law. La musique, je la kiffe, du coup. Ah bah attends, je te ramène. Ah. Ouais. Ah. Ah, voilà. Ouais, c'est ma branchée, je pense que ce soir je regarde ça. C'est une très bonne BO. Tu as déjà regardé. Attention. Et on le 3 bientôt au tournage, je crois. 4 points à 2. On est parti. Oula, attention, ça va être aussi de la rapidité. Nicolas. Tu veux choisir une équipe là? Non, non, bah déjà dis la réponse. Ah, Top Gun. Oui. Bonne réponse. Tu donnes ton point à qui? Ah, pour le suspense à ma gauche. Oui, 4 points. Je viens les encourager. Ça nous fait combien de points? 4 points à 3. Non, mais on l'a dit tout à l'heure. 4 points à 3. Compte les points, oui. Bah, il est très bien d'ailleurs. Ah, bien. Ce sera mon assistant. On dirait qu'on joue à Scopin. Carré d'ailleurs. J'adore cette chanson. Qui est très originale. J'adore. J'ai pas vu le film encore. Ah bon? Quoi? J'ai dû 3 000 fois. Je l'ai vu 3 000 fois. J'adore cette chanson. Merci. Alors, attention. Alors, c'est quoi ça? Ouf. Rapidité. C'est tout, c'est la rapidité en fait. Ouais. Oui, il faut attendre. Bah, normalement, tu dois trouver là. Oh là là, vous êtes long. Je suis pas sûr, donc j'attends. Bah, vous devez trouver. Tommy. Shining? Non, mauvaise réponse. C'est à l'autre équipe. Vous avez 20 secondes. On a 20 secondes? Oui, il en prend réfléchir. En plus, je sais. Oh non, c'est pas sûr. Attends. En avance. Non. Non, non, laisse-les. Oui. Les dents de sa mère. Non, bonne réponse. Voilà. Je voulais les laisser un peu là. Ils vont tellement tuer avec toi. Fallait être patient. Ouais. Très bien. Mais ça m'a fait penser à Shining quand même. Moi, c'est moi, vous avez trouvé ça. 5 points à 3. On est parti. Ah, celui-là est difficile, mais en même temps, c'est très, très, une très belle musique. Les têtes que vous avez, faudrait vous filmer. Je suis pas sûr de connaître. C'est difficile. On est sur des années 80, non? Ah, bien. Un petit peu avant, je crois. Non, on est années 80, je crois. Un truc comme ça. On est dans les adaptos. C'est très connu. Oui. C'est culte. Tout le monde a des affiches de ce film dans son dortoir. Oui, Vincent. Oui, alors j'ai 5 secondes, hein, c'est ça? Oui. 4, 3. C'est pas Robocop? Robocop? Tu dis Robocop? Tu dis Robocop? Oui. C'est une mauvaise réponse. Vous avez 15 secondes. Non, non. Attendez. Est-ce que je vais avancer un petit peu, ça va vous aider. Tommy. Pour proposer quelque chose, je dirais Ghost. Non. Ça passe. Indice visuel, mais bon. Ah bah. C'est pas nous. Non, c'est pas vous. Il reste combien de temps, hein? 5, 4, 3, 2, 1, c'est... Mais non, je tape la main. Nikita? Non. Scarface? Bonne réponse! Yes! Merci. Ça sortait du cœur. Bonne réponse. Merci, parce que je l'aurais pas trouvé, tu vois. On a combien, c'est mon son cher Nicolas? C'est son qui m'a tout dit. Attends, j'ai mon... Comment on appelle ça déjà? Tu sais quand le mec est... Non, et le mec est super loin. L'envoyé spécial. Mon envoyé spécial, Nicolas. Combien de points? Il met toujours du temps avant de répondre. Le temps de suspense, tu vois. Je t'explique. Sur cette vanne, tu es embauché. Okay. Donc on a 5 à 4. D'accord. 5, okay. C'est pas pour toi, Ismail. Je te le dis. Attention. Ouh, c'est chaud. Ismaël. Retour vers le futur. Non. Mais qu'est-ce que mauvaise réponse. Estelle. E.T. Mauvaise réponse. Merde. Ah, je suis pas sûr. Attends deux secondes. Attends deux secondes. Je suis pas sûr. C'est parce que... Nicolas. Le voyage de Chihiro. Non, mauvaise réponse. Tommy. Les derniers des Mohicans. Non, mauvaise réponse. On attend, attends. On a 15 secondes. On va avancer un petit peu. Je sais que je connais en plus. C'est bien ce que je sais. C'est un film américain, ça c'est sûr. Ah, petite note asiatique là, non? Vous l'avez pas en fait celui-là. Okay. Non, attends, attends. Je donne 10 secondes, si vous l'avez c'est pas, c'est perdu. Ah, c'est pour n'importe qui là? 10. Pour n'importe qui? 9. Non, 8. C'est pour tout le monde. Ah. 7. 6. Mauvaise réponse. Ah, le micro est là, hein, le micro est là. C'est trop tard, c'est eux, c'est ça? C'était. Bah, attends, attends, attends. Oui, Vincent. Bah, Satan ou Tibet. Moi, je vais manger un dernier. Tommy? Le dernier samouraï? Non. Ah, j'ai pensé aussi à ça. La ligne verte. Oh, oh ça, ah non, c'est pas celui-là le thème principal de, du non, film. Bah, ouais, mais non, j'ai fait exprès. Attends, c'est bien, c'est bien. Je fais des difficiles. Attention, ça, on est toujours à 5. C'est nous surestimés. 5-4, ouais. Et c'est chaud, c'est serré. Et deux points à pour l'instant. Un très, très, très facile. Tommy. Tron, Legacy. Bonne réponse. Waouh. Bien. Ah, c'est Daft Punk qui a fait la musique, ouais, donc ouais, c'est direct. Ouais. J'avais adoré ce film. J'avais vu en avant-première, il y avait que des fans. On s'écoute un petit peu. Ouais. La musique, ouais, je l'ai fait en boucle et en boucle, ouais, et en boucle et en boucle quand elle est sortie. Je suis encore sur mon iPod et j'ai au moins deux remixes différents. Et pour la petite parenthèse, on voit les Daft Punk dans le film. Avec ou sans casque? On voit les... Avec le casque. Mais en mode bleu, le casque. On voit les Daft Punk, ils sont DJ une soirée justement. Ils sont DJ une soirée dans le film. C'est sympa. Mais les Daft Punk DJ, c'est dingue quoi. Ouais, mais c'est marrant de les voir dans le film quoi. Allez. Nous sommes à 5 partout, si je me trompe c'est pas. C'est ça, c'est ça. Je suis bien, merci. J'ai l'impression vraiment de jouer à un jeu tu sais, où il y a de l'argent au bout. Attention. Alors, il est facile et difficile, mais concentrez-vous, parce que celui-là, vous pouvez vous foirer facilement. Parce que ça a été repris un peu partout. Oh merde. 1. 2 et 3. Israël. Vas-y. Mauvaise réponse. Vincent. Exorciste. Oui, bonne réponse. Mais t'es sérieux? Changement de coéquipier, s'il vous plaît. Changement. Eh, je t'explique, il a pensé à Death Note. Avant, il a pensé à Death Note. J'en ai gagné. Ouais, non, non, j'ai pensé à Scream, je sais pas pourquoi. Ah, le fait c'était repris dans Sky Movie aussi, je crois. Tiens, par exemple, Infinity, j'étais pas dedans. Tu m'as. Nous sommes... Tiens, je te donne la sagesse. Nous sommes à combien? 6-5. Attention, concentrez-vous. En plus, un difficile. Il est là. Oui. Concentrez-vous. Un difficile. Vincent veut dire quelque chose. Tu peux tenter, hein. Là j'ai l'impression que personne n'a deviné. Tente, essaye de gagner la voiture. Bon, un film de 2009. Oui, Gauthier. Vas-y. Mais tentez, ayez un peu de courage. Oui, le micro est là. Avatar. Mauvaise réponse. La main va en face. C'est là. Si je l'ai, je crois que bah je l'ai. Vas-y, c'est à toi, c'est à nous, je crois. Non, non, non, c'est à nous. Attention. Ah, c'est à vous, quoi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, non, 3, c'est quoi, 2, c'est 1. C'est vrai, les X-Men. Non, mauvaise réponse. Vous ne l'avez pas, c'est perdu pour tout le monde. C'était Star Trek. Ah, bah oui. Le remake. Le remake. Non, mais même, je l'ai pas compris. Le remake de J. Abrams. J'ai pas vu. Attention, un facile et un film que j'adore parce qu'il est vraiment génial. On est parti, attendez, Disney, j'ai perdu ma souris, et voilà. Attends. Si. Oui, Tom. Shane Zeleman, ça. Bonne réponse. Ah, ah oui, j'adore cette vidéo. Ça, ça, ouais, direct. Ouais, on s'écoute un petit peu. On était 6 à vouloir faire le bagage. Un super film de Soderbergh avec Brad Pitt, George Clooney et Matt Damon. Il y a un nouveau là. Mm-hmm. Mais j'ai eu peur. Hein. Oui, avec des filles. Ocean j'ai eu peur parce que j'étais pas sûr de quel c'était. Ouais. Donc je me suis dit, putain, si je me trompe de film, enfin, alors, je dis le 2 et que c'était pas le 2. On est parti, on continue. Respire. Un difficile. C'est un indice ? Non, c'était pas un indice du tout. Oui ? Non, on est trop tard, c'est ça ? Trop tard, bah il faut dire une réponse. Mad Max ? Mauvaise réponse. C'est au voisin. Allez, j'avance un petit peu. Estelle ? Transformers. Bonne réponse. Bien joué. Très bien joué. En fait, on continue. J'attends qu'il enchaîne. Avant de s'amuser avant de parler. Parce... Bah, je comprends. On enchaîne. Attention, super facile. C'est parti. Guillaume. Gauthier, pardon. Superman. Superman. Bonne réponse. Guillaume. Gauthier, il a oublié le micro, c'est bon. Il a un problème avec toi, c'est pas possible. Gaëtan, Guillaume. Il a dit Gaëtan aussi. Voilà. Superman. Merci bien. Attention. C'est 6. Oh là là, attention, ouais, un super. Alors là, c'est pour l'air. Ok, celui-là, il est pour l'air. Bah, tu mets une pression comme ça. Non, mais là, si tu trouves pas, j'ai honte pour toi. On est là pour toi après, si tu veux. Léa. La La Land. Bonne réponse. Ready and start. Si je le connais, hein. Ça aurait pu être pour moi aussi. Hein. On s'écoute un petit peu. Are you shining just for me? Super BO. J'ai pas aimé le film. Non mais super BO. Et par contre oui, la BO est magnifique. Ça me donnerait presque envie de revoir le film. Mais t'as vu ? Juste pour la musique. Ou juste acheter le CD aussi. Moi j'ai le Blu-ray avec le DVD avec... les musiques sont avec le film. On s'en bat la gueule. Bon, merci beaucoup Emma Stone. Attention à facile, facile, facile, facile. On se concentre. On a combien, mon cher envoyé spécial ? 7 à 6. Merci pour 7 en 6. Ans. On est en tête. Ben, 8 à 7. Ouais, c'est pareil. Arrête de tricher, toi. Non, mais... Il y a un décalage. Ah, oh, ça, je connais. Il en tombe de sa chaise. Tommy. Inception ? Ah, bonne réponse. Oui, c'est Time. Putain, wow. J'étais pas sûr. Je sais que c'était un Nolan, mais j'ai... Allez, c'est un des plus beaux, les plus belles musiques. Ouais, films, j'ai failli dire Interstellar. De Hans Zimmer. Ouais, voilà, Hans Zimmer. Eh, j'ai fait une trompe. Celui-là aussi, j'ai envie de le revoir maintenant. Trop. On continue. Attention, c'est parti. Oui, Tommy. Si. 4, 3, 2, 1, une réponse. Pardon ? Non. Tu as Gladiator, pardon, Gladiator. Non, c'était une mauvaise réponse. Alors... Non, non. Si, c'est Gladiator. Oui, non, mais il a dit autre chose avant. Ah, bah Gladiator. Ouais. C'est quoi le son ? En fait, le son est venu direct. Je sais que je connais et j'ai bugué, enfin, j'ai mélangé les deux. C'est la combien là ? On est à la combien de Akiri parce que on est à peu près à la 15e. D'accord. On en a encore beaucoup. C'est pour ça que hop, j'arrête. On est parti. Attention, très facile. On se concentre, c'est parti. Ça va arriver. Oui, Tommy. So, c'est bon, là. Bonne réponse. On demande des sueurs. Oh putain. Moi, c'est bon, ça, la gueule. C'est fait. Je suis énervé, là. C'est attention, attention, très facile aussi. On est reparti. Oui, là. Requiem for a Dream. Bonne réponse. C'est quoi ? Requiem for a Dream. Eh, les deux, ils ont tenu parole, hein. C'est vraiment entre eux deux, là, que ça se passe le cours. Ah, mais Stel aussi, hein. C'est tellement bien. C'est la musique préférée. C'est la musique préférée. Mais c'est dingue. Je trouve que c'est le début qui va le mieux avec le film. J'aurais fait toute la bande. Non, c'est carrément trop facile. C'est ouf. Je sais comment il s'appelle ce film en fait. Quoi ? Je sais plus comment il s'appelle le compositeur. Ah. Pascal. Le grand frère ? Boris, non. On est parti, on continue. Attention, pareil, un très très facile. Un film culte. Ismaël. Retour vers le futur. Bonne réponse. Ah. C'est bien, Ismaël. Et t'as tellement peur de dire une connerie que des fois tu. Oui, tu vois. Ouais, c'est ça. J'hésite. J'étais trop parfait. D'ailleurs, plus tout à l'heure, c'est sûr que c'est ça que j'ai fait. On continue. On en a encore beaucoup sur, sur le chemin. C'est parti. Merde, c'est quoi ça déjà? Oui. La Belle et la Bête. Tommy, non, mauvaise réponse. Quoi? Ah oui, c'est ce que j'avais dit. Ouais, bah. Oh putain, ça ressemblait. Oui, Vincent. E.T. Bonne réponse. Oh, le début, ça ressemblait deux. Ah non, mais c'est vrai que j'ai dit la Belle et la Bête. Oh putain, je suis dégoûté. C'est même, même dans ton début. Ouais. Oh, c'est le même début. T'es trop rapide. On pourrait se faire une émission de... entièrement avec les musiques de film. Ah ouais. Salut. On est parti. Oh, ils ont pris la même musique. Vincent. Pff, non. Vas-y, moi. Mais c'est nul. Non, non, mais non. Mais non, vas-y. J'allais dire le pianiste. Non. Non. Mauvaise réponse. Attends, du coup, on réfléchit, du coup. Ah, vous pouvez. Hein. Oui, Nicolas. Interstellar. Eh oui, tu en parlais tout à l'heure. Je l'avais. Ah, je l'avais. Donnes-tu ton point? Moi, je l'avais. Eh, mais c'est pas normal, ils donnent tous ses points à l'autre équipe. Ouais, ouais, non, continue, fois. Continue, il faut. Bon, il faut c'est bien, c'est bien. Ah, voilà, ouais, d'accord. Alors, on a combien, Nicolas? Tu parles d'un joker? 11-11? Ouais. Oh my goodness. Voilà, en plus, c'est chaud. Pour mettre à égalité. On est parti, on continue. Ah, c'est un petit quelque chose. T'as joué là, mais oui, mais... Vincent? Bah, ouais, non, mais c'est un piège. Parce c'est que... un piège. C'est un piège, oui, c'est dans la série Six Feet Under. C'est le générique de Six Feet Under, ça. Ah non, il se met dans le Docteur, je crois aussi. Non, c'est une mauvaise réponse. C'est un... Oui, bah c'est une bonne réponse, mais c'est pas ce qu'on cherche. Ah putain. Je laisse. Oui, madame. Bah attends. American Beauty. Bah, bonne réponse. Bah non, je suis désolé, il a dit du coup. C'est à bah oui, c'est à eux. C'est vrai, mais. Oui, mais moi j'ai. Pour mon gré d'azur, vous m'avez dit. J'étais presque parce que vous m'avez pesé mon gré d'azur. C'est le générique de la série Six Feet Under. Attendez. Jakarta, Jakarta. Si c'est tombé, le point va à ceux qui en profitent. Oui. Ah non, j'aurais été d'accord si on m'avait pas niqué pour mon gré d'azur. Si on m'avait pas. De toute façon, t'allais dire Jurassic Park, donc ça va. De toute façon, tu vas gagner ton mien. Attention, on continue, on se concentre. Un super, super facile. Concentrez-vous. Ça arrive. Par train et par voie postale. Oui, Vincent. Pretty Woman. Bonne réponse. Oh, putain, ah, bah oui. On s'est plaisir, on est. Tu commences par ça. Ah oui, là, je peux laisser. Bah ouais, mais en plus, c'est. Ouais, tu es tellement pas en train de faire maintenant que je vous attends. Et vous pas. Pretty Woman. Ah, ça nous pas celui-là. On l'a sur Inception et sur le Gladiator. Exactement. C'est trop simple. C'est le film qui a révélé donc la fabuleuse actrice Julia Roberts. Ah, Julia Roberts. ça mérite un point. Oh. Oh, clairement. Ça va plus, je l'ai rejoint. Ouais, un peu. Je dis pas qu'il ressemble à Gandalf parce que je suis tard. Et on continue. Envoyé spécial, nous sommes à combien de points hein? 12 à. Non. 13, 11. 12 à 11. Tu sais plus combien. 13, je l'aide un peu. Nous sommes à combien? Mais c'est bon, il y a Tommy qui a donné la réponse. On est à combien? 13, 11 pour. 13, 11 pour l'équipe de Léa, d'Estelle et de Vince. On est parti, on continue. Vous allez avoir mal au bras après. C'est drôle à dire. Oui, Nicolas. Je pourrais me tromper. Si. Snatch. Non. Ah, non. Bah, c'est. Hey. Oui, Tommy. Oh non, putain, j'en ai plus. Bah, faut donner la réponse, Tommy. Club. Non, mauvaise réponse. Bah, je sais pas, Wild Wild West. Non, mauvaise réponse. L'équipe de Tommy, vous avez 15 secondes pour trouver la réponse. Tout à l'heure, vous avez quelque chose ou pas? Nicolas. Arnaque, crime et botanique? Non. Du coup, aucun rôle? Non. Je suis sur des délires. Vous êtes sur une mauvaise piste, autant que je vous le dise. Ah oui, non, mais ça, en fait, c'est irlandais. Hein. C'est pas Kelechi. C'est irlandais, donc. C'est Martin Scorsese. Exactement. Je sais. Oui, Vincent. C'est 5, 4, 3, 2, 1. Et ça passe. Les infiltrés. Oui. Oh. J'avais pas dit ça. Moi, j'aurais jamais trouvé. Ça me fait préférer aussi, j'avais oublié, putain. Bon point. Attention, on a combien là? On est à 13-12. On est à 13-12. J'avais juste pas le nom. 13-12, c'est serré. Vous êtes plutôt bons, hein, les deux équipes, c'est bien. Attention. Oulala. Là là. Très facile. Ça arrive. Temps de l'intro. Ah. Vincent. Dirty Dancing. Ah, bonne réponse. Là, j'avoue. Dirty Dancing. Tu vois, man. Facile, facile. Vincent, faut qu'on parle. C'est ma jeunesse. Hein. Yeah. Non mais... Ça, si j'en ai envie. C'est repassé il n'y a pas longtemps. C'est... Donc, c'est un nouveau film qui est sorti il n'y a pas longtemps, un vieux film en 2017. C'est vrai qu'ils ont fait la même chose. Je ne sais pas. Ah oui, oui, c'est vrai. Il faut le remake de... Oh ouais. 2018 aussi d'ailleurs. On vous entend. Hein. Bah, c'est... on est pas le ciné. Non, mais oui, non, mais allez-y, faites. Ok, je savais pas. Non, monsieur, il a mis toute son âme dans celui-là, là je le pointe, je n'ai rien à contredire. Il vous le mérite. Même dans les autres points, t'as rien à dire. Predator. Il va falloir le dire. Il y en a quel outil. Attention, on continue. Non, on le dit, mais. Je suis pas d'accord. Attention, facile aussi. Oui, Vincent. La boum. Bonne réponse. Tu me fais peur avec les films que t'arrives direct à trouver quand même. C'est des classiques qui sont celui-là. Oui. Allez, on se fait le couplet. Mais c'est pas Avengers, les comédies musicales. Non, c'est pas. Bon. Allez, merci, c'est cool. tu sais, il peut plus, voilà. Oh, on est parti. Oui, monsieur. Indiana Jones. Oui, bonne réponse. Merci. Et voilà. Je fait. Comprends pas que celui-là, il n'y a pas tout le monde qui est devenu la main, en fait, là. On a combien, mon cher envoyé spécial? On est à 15 à 13. 15 à 13. Mais attendez, c'est pas le titre, il faut dire le titre exact. Non, tous, ça passe, c'est toujours la même musique. Toujours. Bah, elle est dans tous. Alors, 15 à 13, il reste quelques musiques encore. Il y en a 5 à 15. L'équipe de Léa. Concentrez-vous, les amis. Merci, on passe au suivant. Oui, Tommy. Toy Story. Bonne réponse. Ah, mais je t'aime, Tommy. Je t'aime. Ah, mais quand c'est un dessin animé, Tommy. Ah, mais là. Sans rigoler, je m'en serais tellement voulu que ce soit pour l'autre équipe, celui-là. Non, bah, plutôt que je l'ai pas trouvé. Quand tout s'embrouille. Ah, j'avais voulu le voir aussi, merci. Merci. Je vais me faire une nuit blanche de d'ailleurs, le cap est annoncé pour 2019. Ah, super. Je ne dis pas ça. Mais c'est comme les autres types, on attend toujours. Oui, c'est vrai, mais j'avais oublié. C'est le 3, c'est 4. Le 4, hein. T'arrives, ouais. Pas attention. Il y a aussi des hors-série, enfin, tu sais, des petits épisodes. Oui, c'est vrai, des épisodes spéciaux. On est parti. Et il sera dans le jeu qui ne reste pas. Vincent. Chapeau melon et boîte de cuir. Non, mauvaise réponse. Austin Power. Oui, bonne réponse. Non. Je l'ai vu lundi soir. Tommy est en train de nous faire une remontada. Ouais. Yeah. Nous sommes à combien, mon cher Vincent? 15 partout. 15 partout. Big up à Pierre. Il reste 7. C'est tout ? 7 musiques. Ah ouais, 30. Ça va vite, hein ? Ouais, putain. Bien, attention, hein, très bien. Facile. Vincent. Les visiteurs. Bonne réponse. Ouais, là, j'avoue. 16 à 15. Trop rapide. Erra. En fait, cette musique est tellement bête que moi, ça m'a bloqué sur page. Ouais, moi, c'est pas lié à... Non. C'est du groupe Era, je crois, d'ailleurs. Ouais. C'est Era, le groupe. Oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est un très bon groupe. Le groupe de chez WAM. Oui, je suis breton. C'est parti, on continue. Un plus difficile. C'est parti, il y a un lyonnais, quand même. Je suis breton aussi. Un plus difficile. Ça veut pas se lancer. Vas-y. Ah, je croyais que la voiture, c'était de la musique. Ouais, ouais. Lance-toi. Non, tu ne veux pas. C'est pas grave, on passe au suivant. Oui, bah oui. Shape of Water. Bah oui, monsieur. Ah oui. La c'est forme de l'eau. Shape of Water. Ah oui, ah bah oui. Et bien joué, j'ai compris de même. C'est vrai qu'on s'y attendait pas une musique aussi récente. Pas mal. Bien joué. Pardon, ouais. Bien. Ouais. Et là, je croyais que la musique m'avait pas marqué, mais finalement, si, du coup. Ah ouais. Non, mais là, ouais, mais depuis le début. Surtout que moi, je l'ai vu il y a 3 jours, donc... Ah, tu déconnes. Mais tu l'as transmis. En fait, c'est Ismaël qui l'a envoyé par la pensée. Voilà. Non, mais genre... C'est un des rares que j'avais bien aimé dans le film, en plus. Donc, comme une musique ne marche pas, il nous reste... 4 morceaux. Et oubliez pas de Joker la prochaine, c'est pour nous. Oui, c'est pour vous. Nous sommes à combien, mon cher Joker? Là, c'est il a plusieurs postes. Il est Joker, il est Nicolas et en même temps, il est en base spéciale. Du coup, il va arrêter de jouer. 16-16. Non, non, 16-16. De jouer à la fin du jeu. Il reste 4 musiques. Oui. N'oublions pas, le perdant, l'équipe perdante a un gage. Ah bon, je l'ai pas dit, mais bon, je le dis maintenant. Attention, concentrez-vous. Parce que je regarde les titres et je me dis que ça va être chaud. Parce qu'il y a des faciles et des très difficiles. Celui-ci, il est à moitié facile, moitié difficile. Pardon, excuse-moi. Alors, le micro est toujours là. Le grand bleu. Le grand bleu. Tu me dis le grand bleu. Ouais. Attention, parce que c'est des points importants maintenant. Non. Est-ce que c'est le grand bleu, c'est pas le grand bleu? C'est pour ça que je disais non, parce que je voyais dans le regard de Léa le grand bleu. Et j'ai fait non, non, c'est pas le grand bleu. Tu pensais même pas à ça. Ah bon? Non, c'est... Tu vois. Ah, mais on entend mieux sans le casque en fait. C'est vrai? Bah ouais, je suis con. Ça va. C'est pas comme si t'avais raté des points. Hein. Il reste combien de temps là? Bah il vous reste quelques secondes. Ah mais c'est à eux là non? Ah non mais là pour l'instant il lève pas la main donc j'ai envie de te dire c'est pour personne là. Bah j'ai pensé. Ça me dit vraiment quelque 15 chose. 15 secondes. 14. Aussi, ça me dit un truc 13. Bien. 12. 11. C'est pas la musique 10. Principale. D'un contour de tête. Monsieur. Ce n'est pas la musique principale du film. Un peu quand même. Oui. Ah si si si, j'ai envie de dire oui. C'est une musique importante. Pas du tout. Moi j'ai pensé à Hugo qu'après, mais c'est pas ça. Une mauvaise réponse. C'est pour l'autre équipe. Ismaël. Domina, l'Odyssée, l'espace. Domina, l'Odyssée de l'espace. J'allais dire ça. C'est pas ça. De Stanley Kubrick. Non, c'est ouais, pas ça. Moi j'allais dire ça aussi. Ce n'est pas la bonne réponse. Non, non, non, non. C'est pas obligé. Il vous reste, allez, je vous laisse jusqu'à la fin parce que c'est une belle musique quand même. Je vous donnerai pas un indice. Là, c'est tout le monde peut la main ou c'est que. Ouais, toi, main et levez tous. Allez-y, faites-vous. Et on lève tous la main. Allez, Ismaël. Non, non, mais c'est une blague. Ça me dit quelque chose. Bon, vous n'avez pas la bonne réponse. Attends, attends. C'est quoi? Blade Runner. Oh, bon. Oh, je l'ai même pas vu. De Ridley Scott. J'étais sûr de le connaître. Le premier, le premier, le premier. Ça fait trop longtemps celui-là. Bah alors, attention. Rapidité. Oui, Estelle. Je sais plus. Ah, il y en a deux. Mauvaise oui. Réponse. Réfléchissez. Réfléchissez. Mais c'est non, Fame. Je la connais. Trop tard. Les 5 secondes. Les 5 secondes. Ismaël. Flash Dance. Oui. Yes. Et voilà. Si je t'aime. Et les 5 secondes, elles sont dépassées. Hein. C'était 15. Et Jérémy, il voulait que je le trouve. C'est pour ça que j'ai trouvé la force. Mais je me suis dit avec Fame, je voyais que tu l'avais, que j'ai raté parce que j'allais dire ça. Ça pas, les 5 secondes étaient passées. Ouais. Non, c'est 15. C'est 15, ouais. Non, on a 5 secondes pour la première réponse. Et après 15 secondes, tout à l'heure, on a l'impasse. Tout à l'heure, tu t'es trompé sur un truc, elle a quand même eu. Alors. Et là, on l'avait, mais trop tard. Attends, si vous avez le point, c'est tu réfléchis genre la prochaine fois. Là, il y a combien là? 17-16, c'est-à-dire 6 points, c'est genre la dernière question, c'est le. Voilà. J'ai en train de s'enjailler dans son coin. J'adore cette chanson. Je n'aime pas le film, mais j'aime bien la chanson. Génial. J'ai vu le film, mais ah non, j'étais déçu. J'étais... Attends, ça Flashdance. Allez, vas-y. Bah vas-y. On a combien envoyé spécial? 17-16. 17-16. Pour qui déjà? Tommy. Tommy. Hein? C'est pas qui vous a aidé, mais bon, vous allez. Ah, c'est bon. Nous qui menons? Non, mais moi je veux dire qu'ils ont eu 2 points de joker. Ouais, vous avez un point de joker aussi. Ça ne compte. Il s'est trompé sur une série. Le prochain joker, c'est pour vous. Attendez. Il reste. Concentré. Il reste 2 points. Ah, si, c'est un joker. Il y a une balle de match. Moi j'ai la même chose et. Ok. Il y a une balle de match. C'est la dernière? Oui, c'est bon, on a entendu. C'est l'avant-dernière. C'est parti. J'ai compris. Ah, c'est quelque chose. Moi aussi. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. La réponse et dans la chanson. Alors écoutez, c'est George Michael. Ça arrive dans le refrain. Je sais pas. Non, je crois pas. Non, c'est pas George Michael. Tommy. Merde, si j'ai fait de la merde, Ghost. Mauvaise, très mauvaise réponse. Ça passe à l'équipe adverse. Vous avez 25 secondes. 25. Oh. Attention, balle de match. Alors là, je vous explique. Il a fait exprès pour la balle de match. C'est la musique la plus facile de tous les temps. Oh non. Donc, oh, s'il vous plaît, ne gueulez pas. Parce que sinon, ça gâche toute la balle de match. Vous levez la main. Non, non, je veux les mains sur la table. Okay. Les mains sur la table. Les mains sur la table, je ne vois pas. Voilà, merci bien. Attention, on est parti. En tout cas, merci d'avoir participé à ce jeu quand même qui était plutôt cool. Attention, 1, 2, 3. Vincent. Alors c'est je veux le film. Donc c'est avec Whitney Houston, c'est Bodyguard. Bonne réponse. Oui. J'espère qu'elle est bien. Même aussi. On a perdu, voilà. On a perdu. Non, c'était on se laisse 1 minute 53 avec Whitney Houston. En fait, j'avais dit que c'était pas contre vous. C'est contre elle. J'ai gagné plus de points qu'elle, donc j'ai gagné contre elle. Yes. C'est ça qui est important. Je ne joue même pas contre toi, j'ai trop mauvais joueur. Quel mauvais joueur. Eux, ils ont gagné, c'est très bien. Toi, t'as perdu contre moi. Bah oui. Oh non. Ah, trop tôt. Le film qui a révélé Whitney Houston en tant qu'actrice. Ah, c'est Julia Roberts. En tant qu'actrice. Qu'on embrasse. J'ai envie de faire un petit tour de table. Voilà. De tout ce qu'on a entendu, vraiment. C'est quoi votre, voilà, votre musique préférée, Estelle? Jurassic Park. Vincent. Pardon, mais c'est quoi la question? Est-ce que tu vas bien dormir ce soir? Oui, je pense. Oui. Quelle est ta musique préférée dans tout ce qu'on a entendu? Ah, dans tout ce qu'on a... C'est ouais. Celle-là. D'accord. Léa. Au niveau des musiques de films pas préférées, c'est Time d'Hans Zimmer. Oh, merci. Interstellar. Merci. Je reste en fait, ça me fait mal au cœur de le dire, mais voilà. Gladiator et Inception. Oh, d'accord. Pourquoi ça te fait mal au cœur? Ton ami, c'est moi de Toy Story. C'est je suis ton ami, mais c'est une autre chose. Oui, voilà, c'est un jeu. Ah, bon, j'avoue. Et Gauthier? Moi, c'est Requiem for a Dream. Ah, ah, okay. Ah mais ouais, c'est vrai mais... aussi, non? Ouais, non, moi, ah, c'est si, Footloose, ouais. Parce que Footloose, je suis comme un ami. Je suis un taré sur cette chanson. Mais Requiem for a Dream? Gladiator, c'est... Ah bah c'est le schéma numéro 2 Jurassic Park. C'est de là. Je sens qu'on va refaire cette séquence, mais avec d'autres choses. Ah, vas-y. Mais avec le cinéma travail. Mettre des séquences de phrases. Ou des. Hey, tu mets des paroles, des morceaux de films. Ah, des phrases ce que de films. C'est ce que je vais faire. Mais ça, tu l'avais fait une fois. Ah, j'étais pas là. Mais il y avait encore. Pas Mémoire d'une geisha, Danse avec les loups. Attendez, je peux pas. Attends, il peut pas 40 chansons, déjà 40 musiques. Le monde de Nemo, il y en a pas de ta bannière. Ah, oui, je vous refasse un truc avec Disney. Je peux, hein. On se refait encore un deuxième test la semaine prochaine. Ah, oui, ouais, c'est bon. Allez, c'est nickel. On en refait, c'est ça? La prochaine fois? Oui, la semaine prochaine, ouais. J'ai une question. C'est pas les films prochains. Pour essayer de gagner cette. Alors, dis-moi. Alors, pour la semaine prochaine, nous allons devoir voir. J'ai deux films. Pour toi, ça me suffit. Taxi 5. Oh non, pitié. Je serais mal. Non, c'est pas fini. Parce que Vincent me fait des grands signes avec une croix énorme en me disant est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est fini? Non, ce n'est pas fini. Nous allons annoncer que pour la semaine prochaine, nous allons devoir voir. Ça fait deux fois à voir, c'est pas joli. Taxi 5. Mmh. Oui. Et également oh L'île aux chiens. Ah, c'est ok. Tout le monde va aller voir L'île aux chiens, quoi. Ah, bah, bon. Alors, j'ai Taxi 5 ce matin. C'est bien ça. Tu vas voir le reste. Et ah, L'île aux chiens, moi, ça me dit bien. Et bah, on en parlera. Alors, on en parlera à la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. La bise. Je pense que le début de ce podcast où vous avez tous crié la réponse, ouais. J'étais bien. J'étais très bien. Je me dis, ils sont. Toi, t'avais choisi le morceau aussi. Et la vie, oui, bah, voilà, premier. J'ai envie de te dire. Fallait mettre Footloose en ouais, c'est ça, Footloose. On aura bien le temps de. Bon, en tout cas, je vous fais de gros bisous. À la semaine prochaine. Merci d'être venu. C'était génial. Bisous, et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao. Bonne semaine. Ciao.